Psaume 71. Éternel, je me suis retiré vers toi, fais que je ne sois jamais confus. Délivre-moi par ta justice, et me garantis, incline ton oreille vers moi, et me mets en sûreté. Sois-moi pour un rocher de retraite, afin que je m'y puisse toujours retirer. Tu as donné ordre de me mettre en sûreté, car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main du pervers et de l'oppresseur. Car tu es mon attente, Seigneur éternel, et ma confiance dès ma jeunesse. J'ai été appuyé sur toi dès le ventre de ma mère, c'est toi qui m'as tiré hors des entrailles de ma mère, tu es le sujet continuel de mes louanges. J'ai été à plusieurs comme un monstre, mais tu es ma forte retraite. Que ma bouche soit remplie de ta louange, et de ta magnificence chaque jour. Ne me rejette point au temps de ma vieillesse, ne m'abandonne point maintenant que ma force est consumée. Car mes ennemis ont parlé de moi, et ceux qui épient mon âme, ont pris conseil ensemble. Disant, Dieu l'a abandonné, poursuivez-le, et le saisissez, car il n'y a personne qui le délivre. Ô Dieu, ne t'éloigne point de moi, mon Dieu, à toi de venir à mon aide. Que ceux qui sont ennemis de mon âme, soient honteux et défaits, et que ceux qui cherchent mon mal, soient enveloppés de propre et de honte. Mais moi, je vivrai toujours en espérance en toi, et je te louerai tous les jours davantage. Ma bouche racontera chaque jour ta justice et ta délivrance, bien que je n'en sache point le nombre. Je marcherai par la force du Seigneur éternel, je raconterai ta seule justice. Ô Dieu, tu m'as enseigné dès ma jeunesse, et j'ai annoncé jusqu'à présent tes merveilles. Je les ai annoncées jusqu'à la vieillesse, même jusqu'à la vieillesse toute blanche. Ô Dieu, ne m'abandonne point jusqu'à ce que j'ai annoncé ton bras à cette génération, et ta puissance à tous ceux qui viendront après. Car ta justice, ô Dieu, est haute élevée, parce que tu as fait de grandes choses. Ô Dieu, qui est semblable à toi, qui, m'ayant fait voir plusieurs détresses et plusieurs maux, m'a de nouveau rendu la vie, et m'a fait remonter hors des abîmes de la terre. Tu accroîtras ma grandeur, et tu me consoleras encore. Aussi, mon Dieu, je te célébrerai, pour l'amour de ta vérité, avec l'instrument de la musette, au sein d'Israël, je te psalmodierai avec la harpe. Mes lèvres, et mon âme que tu auras rachetée, chanteront de joie quand je te psalmodierai. Ma langue aussi discourra chaque jour de ta justice, parce que ceux qui cherchent mon mal, seront honteux et rougiront.